Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. It's the coming month, hey, oh, high. Oh, the week, the devil, high. I love you more, can't you say? Do you love me? Comment ça va, Jean-Pierre? Are you ready to play a super song? Mesdames et messieurs, bonsoir. Cause I can make you love me if you don't. Bah, je recommence. 2, 3, 4. 'Cause I can make you love me if you don't. You can make yourself feel something you want. And in the dark, ladies and gentlemen, you are listening to Ghost Rider, Guyava, Evans, Mirko 04 et Jean-Pierre Franco. Dans la boîte de jazz, Je suis un peu paumé là. Il y a de la poussière sur mes instruments. Bien Jean-Pierre, toi t'es nickel à la batterie, y'a pas de problème, je te mets un 20 sur 20. Brazil, le paradise, Evan Paradise, Brazil. Bon les gars, ça joue ou ça fait de la merde? Vas-y, une nouvelle chanson là. Ça se branle. Si tu veux, Jean-Pierre, je te donne le la. Je vous donne le la. Oh, y a de la poussière sur mon bon tempé. Et quand il pète, t'es trop sans slip. Et quand il pète, t'es trop sans slip. Could you speak French, little Evan? I want to listen to you when you speak French. Bonjour. Et quand il pète. Je suis pas chasseur, mais je vais travailler de cartouche. La poussière sur les lunettes. Je suis glace. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, quand ça va se faire un chant, c'est un copain à moi. Il a fait des albums, il a fait des disques d'art. Alors, si vous voulez écouter de la bonne musique, vous écoutez Sébastien Patache. Bon, moi j'attends ton album, François. Jean-Pierre. J'attends ton album, Jean-Pierre. J'attends ton album. Bon, je vais.